façon. Pour son bébé, belle parole. Mais tout ça, nous dit les ladés. C'est parole, bon moment. Mais tout ça, nous offrir. C'est travail, bon moment. Belle parole.